Et comme Morgan est désormais prêt à donner sa fille à Cléante, à la condition qu'il se fasse médecin. Très volontiers, monsieur, s'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Ce n'est pas une affaire que cela, et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Bérald. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Toinette, cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt.